Un message de Prune de Lyon qui nous dit « Objectif du printemps, avoir un jardin plus sympa et plus responsable. » Prune, chez Castorama, la nouvelle collection jardin est là. Les conseillers t'attendent pour te proposer des solutions et des produits plus responsables pour entretenir, aménager, cultiver. Jardin, balcon, terrasse. Venez vite chez Castorama réinventer votre extérieur. Retrouvez la nouvelle collection jardin Mieux vivre au vert en magasin sur castorama.fr ou sur l'application Castorama. Castorama, changer nous fait avancer. France Inter. Affaire sensible, la fiction. Aujourd'hui, Opération Lima. Une série en 6 épisodes. Fiction écrite par Vincent Hazard, réalisée par Cédric Ossir, coordination Christophe Barrère. Aujourd'hui, premier épisode avec notre invité Thomas Huchon, journaliste et spécialiste du complotisme. Demain, vous pourrez écouter les 2e et 3e épisodes, puis les 4e et 5e mercredi. Enfin jeudi, le 6e épisode qui termine l'enquête de ce véritable thriller avec un nouvel invité, en l'occurrence Gérald Bronner. Cette fiction, comme d'habitude dans Affaires Sensibles, est basée sur une histoire réelle intitulée l'opération Lima. Tout commence par l'enlèvement d'une petite fille, Mia Montemaggi. En avril 2021, dans les Vosges, cet enfant de 8 ans disparaît. C'est sa mère qui en avait perdu la charge, qui a commandité le kidnapping. L'enlèvement d'un enfant par un parent, l'affaire est malheureusement commune. Mais le mobile, cette fois, sort de l'ordinaire. Lola Montemaggi, 28 ans, s'est enfoncée profondément dans le conspirationnisme et c'est pour sauver sa fille d'un abominable complot, pense-t-elle, qu'elle l'a fait enlever. L'enquête plonge alors dans les réseaux des communautés complotistes, à la fois bien réelles, et les inextricables réseaux d'Internet. C'est bien dans cet univers parallèle où tout peut être dit, où tout peut être échangé, que Lola Montemaggi s'est perdue. Ces échanges, sur des sites plus ou moins secrets, révèlent l'existence d'une grande conspiration, cette fois-ci bien réelle. Des individus, par centaines, partout en France, fomentent une multitude d'opérations, et l'enlèvement de Mia n'est que l'une d'entre elles. Ultranationalistes, survivalistes, néo-nazis, ils ont en commun de refuser l'autorité de l'État et n'envisagent rien de moins que de le renverser. Dans ce premier épisode, les gendarmes Michael Gomis et Karim Raouis sont appelés pour une disparition d'enfants dans un petit hameau des Vosges. Rapidement, ils se rendent compte que la petite Mia a été kidnappée par un commando. Mais qui en voudrait à une enfant et pourquoi les ravisseurs se font-ils passer pour des inspecteurs des services sociaux ? Dans la seconde partie, donc après le premier épisode, nous recevrons notre invité, Thomas Huchon, journaliste spécialiste du complotisme. Il a suivi l'affaire Mia, notamment dans sa chronique hebdo sur LCI, et il a publié début 2022 aux éditions First, Anti-Fake News, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux. Son prochain documentaire sort chez Spicy, les nouveaux réseaux de la désinformation. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Opération Lima. Une série de Vincent Hazard. Coordination Christophe Barrère. Réalisation Cédric Ossir. Premier épisode. Le premier à marcher. Je suis devenu gendarme pour protéger et servir mes concitoyens. Mais il y a un truc que j'ai vite appris sous l'uniforme. C'est qu'il faut parfois les protéger contre eux-mêmes. Si on arrête un conducteur ivre, c'est pour l'empêcher de se tuer. Ça râle, mais au final, ça viendrait à l'idée de personne de contester notre action. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. S'il vous plaît. Gendarmerie nationale, bonjour monsieur. Bonjour. Je pourrais voir votre attestation de déplacement, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà. Vous êtes content de faire ce métier? Merci monsieur. Ah ouais, la Gestapo quoi. Hein? Ah mais dans pas longtemps, on va nous mettre dans des camps. Hein? Très bien monsieur. Heureusement. Circulez. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Moi aussi monsieur. Aujourd'hui, les gens sont tellement paumés, tellement à bout avec la crise des gilets jaunes, la pandémie et le confinement, ils n'ont plus foi en rien. Ils ne font plus confiance aux politiques. Et nous, on doit faire respecter les lois votées par ces politiciens. Alors que la troisième vague déferle sur le pays, on se retrouve en première ligne. On se prend la misère et la folie humaine en pleine tête. Parfois de la manière la plus inattendue. Le président va-t-il reconfiner le pays ? Il pourrait étendre les mesures... Hameau des Poulières, mardi 13 avril 2021, 11h. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Je suis monsieur Schmitt du STEMO. Raphaël Perruti, inspecteur de l'ASE. On vient dans le cadre de l'enquête sociale. Je remplace madame Le Picard qui est actuellement souffrante. D'accord. Rassurez-vous, il s'agit d'une visite de routine. On peut rentrer ? Oui, allez-y. On va garder les masques, rassurez-vous. On ne touche à rien. On peut mettre du gel, si vous voulez. On vient pour le droit de visite. Mia doit déjeuner avec sa maman. Ah bon ? Bah, je savais pas, mais... Vous n'avez pas été prévenue ? Non, pas du tout. Pourtant, c'était prévu déjà depuis 2 semaines. Voyez l'ordre de mission. Vous n'avez rien reçu ? Vous avez regardé vos mails ? Bah oui. Non, mais bon... Pas grave. Bon, ne vous inquiétez pas, ça se passe selon la procédure. C'est une visite encadrée, dans les locaux du STEMO. Nous restons présents pendant tout le déjeuner entre Mia et sa mère. Et on vous la ramène vers 14h30. Bon, d'accord. Vous pouvez aller nous la chercher ? Oui, bien sûr. Mia ? Mia ? Bonjour, Mia. Bonjour, monsieur. Je suis Sébastien et voilà Raphaël. On va t'emmener pour que tu vois ta maman pour déjeuner. Elle est très impatiente de te voir. Mets tes chaussures. Si tu rentres pas trop tard, on pourra toujours aller au poney ensuite. Ferme bien ton manteau. Hein. Allez, il faut y aller. Oui, ben... Merci madame, à tout à l'heure. Oui, au revoir. Gendarmerie de Saint-Dié-des-Vosges, mardi 13 avril 2021, 11h30. Et là, le vieux bonhomme, il avait pas d'attestation. Rien sur lui. Et il me dit, monsieur l'agent, moi j'ai mes courses à faire, comme d'habitude. Et tu lui as collé l'amende ? Bah bien sûr. Ouais. Ça fait un peu mal au cœur quand même. Non mais attends, c'est justement pour des gens comme ce vieux qu'on fait tout ça. Ils se rendent pas compte. Heureusement, globalement, il y a presque personne sur les routes, les gens respectent. Mais si ça a pas trop de sens, toutes ces restrictions, on a la forêt partout, les gens pourraient sortir. Ça, c'est pas nous de décider, hein. C'est pour que la loi soit la même pour tous. Ouais. Allô, oui. D'accord, passez-la moi. Merci. Allô ? Oui, bonjour madame. Adjudant-chef Gomis. Quel est l'objet de votre appel ? Je crois qu'on a enlevé ma petite fille. En fait, non, je suis sûre qu'elle a été enlevée. Il faut que vous veniez tout de suite. Il faut la retrouver. D'accord madame, calmez-vous. Racontez-nous ce qui s'est passé. Des enlèvements d'enfants dans la région, on n'en voit pas tous les jours. Ici, comme dans la plupart des campagnes françaises, le quotidien du gendarme en intervention, c'est le plus souvent les ravages de l'alcool. Parfois de la drogue. Au quotidien, on est confronté à des gens qui sont intoxiqués, mais qui volent, qui commettent des violences conjugales ou sur la voie publique. On vit la chronique de la misère humaine. Mais là, c'est différent. C'est prémédité, avec un commando. Et ça concerne un enfant. C'est une petite fille de 8 ans, enlevée chez sa grand-mère par des hommes qui se font passer pour des inspecteurs de l'aide sociale à l'enfance. Ils l'ont emmenée dans un van gris. Oh putain! Ça sent le pédophile. On va prendre la déposition et faire les premières constatations. Mais j'ai prévenu le commandant. Il est en stand-by avec le parquet. Si c'est vrai, ça va basculer à la section de recherche de Nancy. Oh merde. Comme tu dis. Espérons que ce soit juste une fausse alerte. Adjudant chef Gomis, vous n'attendez personne ? Non. Bien. Pendant que je vais prendre votre déposition, mon collègue, l'adjudant Raoui, va procéder aux constatations et faire des relevés. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous montrer à quel endroit vous avez reçu ces personnes ? À la table. Ils sont entrés ici, là, et ils sont venus là. Très bien. Mais si vous cherchez des empreintes, ils m'ont dit qu'ils toucheraient rien à part à la Covid. Ils portaient des masques aussi. Karim, on va faire des relevés sur la sonnette et la porte quand même. On fera la table aussi. D'accord. Il y avait d'autres endroits ? Non, non. Tout ça est allé trop vite. On va agir vite, nous aussi, madame. Vous pouvez me décrire les deux personnes qui se sont présentées chez vous ? C'est pas facile avec les masques. Il y avait un homme de 45-50 ans et un autre plus jeune, peut-être 40. Le jeune était grand, brun, mince, et l'autre plus costaud avec des cheveux noirs. Mais je me demande s'il portait pas une perruque, ses cheveux étaient bizarres. Les cheveux bizarres. Vous avez remarqué d'autres signes distinctifs ? Celui qui était plus jeune avait un tatouage sur le cou. Quoi comme tatouage ? Un dragon, quelque chose comme ça. Rien d'autre ? Non. Ils avaient l'air propre sur eux. Celui avec les cheveux bizarres, c'était le chef. L'autre était plutôt bien mis aussi. Enfin, il présentait bien, quoi. Vous vous rappelez du véhicule ? Vous avez parlé d'un van gris. Oui, oui, un van, oui. Il y avait un troisième homme dedans, mais je ne l'ai pas vu. Il est resté dans le van et puis ils sont partis. Je vais voir à l'extérieur. Pourquoi j'ai laissé faire ça ? Comment j'ai pu me faire avoir comme ça ? Vous n'avez rien à vous reprocher, ils étaient très bien préparés. Vous disiez qu'ils avaient des papiers de l'ASE et du STEMO ? Ben oui. Ils m'ont même parlé de Madame Le Picard qui s'occupe de Mia au STEMO. Comment vous avez compris qu'ils ne venaient pas de l'aide sociale ? J'ai appelé Madame Le Picard justement parce qu'après leur départ, j'ai quand même pensé que c'était bizarre. D'habitude, ils ne viennent jamais chercher la petite comme ça. Au téléphone, j'ai eu Madame Le Picard qui m'a dit qu'elle n'était pas malade et qu'il n'y avait pas de visite prévue. Vous avez de la famille, des gens qui peuvent rester avec vous ? Les heures qui viennent vont être difficiles. Oui, mon compagnon est en route. Oui, la famille est là. La maman ? Elle n'est pas là. C'est moi qui ai la garde de Mia parce que ma fille est fragile. Elle n'est pas en mesure de s'occuper d'elle. Il va falloir la prévenir. Oui, je voulais attendre parce que peut-être on allait les retrouver rapidement. On espère aussi, madame. On va lancer les recherches. Mais il faut prévenir la maman. Oui, je vais l'appeler. On va s'en occuper. Surtout, vous vous rappelez, vous ne touchez à rien, ni la porte, ni la table où ils se sont installés. D'accord ? Oui. Le temps qu'on fasse les prélèvements. Oui, oui, excusez-moi. Je vous en prie. Oui. Alors, Karim ? Oui, le gendarme s'en va. J'ai fait quelques prélèvements, j'ai pris des photos, des empreintes, des pneus de véhicule. A priori, dans le hameau, deux maisons ont vu sur l'endroit où était garé le van. Il va falloir interroger les voisins. T'as rien vu de particulier ? Si, j'ai balisé des mégots à l'endroit où le van était garé. Embarque, on va sûrement avoir carte blanche pour faire toutes les analyses ADN qu'on veut. Et prends l'ADN de la grand-mère pour comparaison, et celui du compagnon quand il arrive. J'appelle le commandant. Et surtout... Je sais, je fais super gaffe. Ouais. Nous sommes la brigade territoriale de Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges, à côté de l'Épanche sur Vologne. Là où s'est déroulée l'affaire du petit Grégory. Ce sont des gendarmes de Saint-Dié qui ont retrouvé le corps de ce petit garçon de 4 ans dans la Vologne, à 15 km d'ici. La brigade est toujours traumatisée. Le parquet d'Épinal est toujours traumatisé. C'est l'enquête maudite. Les gendarmes ont fait des erreurs dans les premières constatations. Des preuves ont été jetées à la poubelle pour vice de procédure, avec les conséquences horribles que l'on connaît. Alors un autre enlèvement, aussi inquiétant que celui-là. On n'a pas besoin de se le dire entre nous. Tous les gendarmes du coin ont le fantôme de Grégory dans la tête. Mais cette fois, ça se passera différemment. Pas cette fois. Pas ici. Pas chez nous. C'est dur d'imaginer où peut être la petite Mia en ce moment. Ce qu'elle est en train de vivre. Il faut rester concentré sur l'enquête. Rester rigoureux et ne rien laisser passer. Les barrages vont être mis en place avec un avis de recherche pour le van gris. Les renforts sont en route, restez sur place pour accueillir les équipes. Reçu. Mon commandant. Oui, as-tu une enchaîne ? Ça va pas rester chez nous, cette enquête. Non, j'ai contacté la section de recherche de Nancy, ils vont arriver au plus vite. Je... C'est pas de la lâcheté, mon commandant, c'est juste que j'ai pas envie de faire de bêtises. Je sais, rassurez-vous, on est tous dans la même situation. Vous avez sanctuarisé les lieux. Oui, mon commandant. Le maire nous a préparé une salle dans la mairie pour accueillir la cellule d'enquête. C'est parfait. Vous avez toute ma confiance. Merci, mon commandant. Quand on est le premier à marcher, comme on dit en gendarmerie, on devient responsable de l'affaire, en attendant les décisions de la hiérarchie pour une ouverture d'enquête. Le gendarme doit assurer, le temps que les spécialistes arrivent. Moi, j'ai servi en peloton de surveillance et d'intervention, le PSIG, pendant des années. J'ai vécu des situations tendues. Mais des comme ça, avec la vie d'une gamine en jeu, jamais. Capitaine Karine Joyant, section de recherche de Nancy, je suis en charge de l'enquête. Bonjour, capitaine. Adjudant-chef Gomis, et voici l'adjudant Raoui. Capitaine. Enchanté, merci pour votre travail. Vous avez un poste pour nous ? Oui. Le maire nous a mis à disposition une salle, à la mairie. Très bien, prenez vos gars et interrogez les voisins. On va prendre le lead à partir de maintenant. Mais Karim a déjà fait des prélèvements d'empreintes et ADN sur la porte et la table. Ah. On a pensé que les traces pourraient disparaître. On a trouvé des mégots qui peuvent appartenir au conducteur du van qui attendait dehors. Bon, je le précise à nos techniciens. J'espère juste que vous n'avez pas merdé les prélèvements. Le capitaine Joyant n'est pas la plus facile à la section de recherche. Elle se trimballe une réputation. En tout cas, elle me fait bien comprendre qu'elle fait passer l'esprit de corps après l'obligation de résultat. La bleusaille doit rester à sa place. Bonjour madame. Donc vous n'avez rien vu? Pas de problème. Écoutez, si vous repensez à quelque chose, contactez ce numéro. Bonjour monsieur, je note. C'était un fourgon type Volkswagen Transporter, couleur gris, anthracite. Garé juste là. Très bien. Et surtout, si vous voyez des objets qui pourraient avoir un lien avec les ravisseurs, ne touchez à rien. Appelez-nous. La personne qui attendait à côté du fourgon fumait des cigarettes ? C'est parfait. Merci, madame. Alors, capitaine, vous me faites un premier point ? Malheureusement, monsieur le procureur, on n'a pas encore grand-chose. Combien de temps s'est écoulé depuis le rapt ? 2 heures. Les barrages n'ont rien donné ? Non. Vous avez des moyens suffisants. On est en pleine capacité. 200 gendarmes avec les signalements transmis. On a l'hélico qui tourne. Les équipes cynophiles se tiennent prêtes. Et la piste pédophile ? Il n'y a rien qui remonte des services spécialisés. Et on est dans la merde. Les médias vont nous tomber dessus. C'est une question d'heure. Je vous parie que BFM est déjà en route. C'est bien. Et c'est ma pomme qui va se retrouver en première ligne. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez. Hein ? Je ferai en sorte que vous ayez tous les moyens à disposition. Capitaine, je peux vous parler ? C'est urgent. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Vous pouvez parler devant monsieur le procureur ? On n'arrive pas à joindre la mère de la petite Mia. Quel est son profil ? Instable. Elle avait perdu la garde de sa fille. Son domicile est à Épinal. Le commissariat nous dit qu'il n'y a personne chez elle. Il faudrait l'autorisation de perquisitionner. Allez-y, je m'occupe des papiers. Voilà les portraits robots faits par la grand-mère et les voisins. Ah. Mais c'est très approximatif. Alors, 3 hommes. Celui qui conduisait la camionnette type Volkswagen Transporter. Et les 2 autres. Alors, un homme environ 50 ans avec une perruque. Et le second, un grand brun, 40 ans, avec un tatouage de dragon dans le cou. Bon. Pour les vêtements de la petite, elle porte une doudoune très reconnaissable, blanche avec des pois verts. Bien, on va transmettre. Il va falloir des NTEC en plus. Vous en avez à la brigade ? Oui, moi. J'ai la certification. Ah. Bon, alors mettez-vous sur les profils des réseaux sociaux de la famille. En priorité la mère. Essayez de voir où elle aurait pu passer. Bien reçu. La certification NTEC. Au départ, je l'ai passée pour avoir de l'avancement. Au final, je ne suis peut-être pas le roi des hackers... Mais aujourd'hui, dans le judiciaire, c'est bien utile d'avoir des compétences sur les données numériques. On laisse tous des traces sur la toile. Quand on sait comment chercher, c'est affolant de voir ce qu'on peut apprendre sur quelqu'un. en l'occurrence, Lila, la mère de Mia, est très active sur les réseaux. Et elle a laissé pas mal de traces de son mal-être. Madame, on va encore avoir besoin de vous. Je vous en prie. Tout ce que je peux faire pour vous aider, je le ferai. Merci. Je voudrais qu'on parle un peu de votre fille. Elle est introuvable. Elle n'est pas chez elle et elle ne répond pas au téléphone. Vous savez où elle peut être ? Non, aucune idée. Comment étaient vos relations ? Ça devait être tendu depuis que vous aviez récupéré la garde de la petite, non ? Non, pas vraiment, non. C'était elle-même qui m'avait confié la garde de Mia au départ. Elle reste ma fille. Pourtant, sur les réseaux sociaux, elle exprime un fort mal-être. Elle semble en vouloir à la justice. C'est vrai. Mais en ce moment, on ne se parle plus trop. Ça s'est mal passé avec la juge. Depuis quelque temps, elle a de mauvaises fréquentations. Pourtant, on s'entendait bien au départ. Quand elle a quitté le père de Mia, je l'ai hébergée avec la petite. On était bien. Mais petit à petit, elle s'est mise à avoir des idées bizarres. C'est moi qui vais faire l'école à la maison et c'est tout. Tu n'es pas capable de le faire. Pendant le confinement, tu as refusé d'appliquer le programme. Tu as refusé la tablette que t'a donnée l'école. Ah ça non. La tablette, c'est hors de question. Ça émet des ondes qui me rendent malade. Hein, je veux pas tes saloperies chez moi. Et je veux enseigner comme je veux ce qui est important pour ma fille. Je veux pas tout ce qu'on essaie de leur mettre dans le crâne, là, avec leurs tablettes qui rendent les gens comme des zombies. Tu recommences avec ça. Mais c'est vrai, putain. On nous impose tellement de trucs. Ils veulent juste nous contrôler, mais moi, je veux pas. Hein, je veux surtout pas que Mia tombe là-dedans. Ils nous matraquent, maman, ils nous brutalisent, et toi, tu veux pas voir, putain. Mais pour ta petite fille, j'essaie juste de la protéger, tu peux comprendre ça, quand même. Non, je ne comprends pas. Tout ce que je vois, c'est que tu perds la boule. Regarde-toi, t'es maigre comme un clou. Tu dois arrêter tes régimes et manger normalement. Alors ça, franchement, ça n'a rien à voir. Je suis tombée malade, mais là, je me sens beaucoup mieux. Hein. Je mange bien, que des légumes, et surtout pas là, ces saloperies industrielles et dangereuses qu'on essaie de nous faire bouffer. Et ça aussi, hein. Je veux préserver ma fille de ça. Ça, c'était quand ? L'année dernière, au printemps 2020. Après le premier confinement. Le confinement, ça ne l'a pas aidée. Avant ça, elle était à fond avec les gilets jaunes. Elle avait été choquée de la façon dont le gouvernement les avait traités. Elle est très en colère contre Macron, contre les autorités. Lila a du mal avec l'autorité en général. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle voulait déscolariser Mia pour lui faire l'école elle-même. Mais elle n'était pas en capacité de le faire. J'ai réussi à récupérer Mia au mois d'août 2020. À la rentrée, j'ai essayé de la remettre à l'école, mais sans l'autorisation de sa mère, c'était pas possible. Et puis en octobre, elle est revenue comme une furie. Le confinement imposé depuis le 30 octobre. Oh, mais tu comprends rien. J'ai fait la demande de scolarisation à la maison, mais ces putains de bâtards, ils ont refusé. Et toi, tu demandes la garde ? Tu me poignardes dans le dos, là ? Mais enfin, c'est toi qui fais n'importe quoi. Tu ne pourrais pas lui faire l'école, ce n'est pas ton métier. Mais si, il y a plein de sites internet qui t'expliquent comment on fait, c'est pas si compliqué que ça. Je t'en supplie, laisse-moi m'occuper d'elle. Non, ça suffit maintenant, maman ! Maman, maman ! C'est rien, ma chérie. Lila ! Tu vois ? C'est à cause de toi si on s'engueule devant elle. Tu sais quoi, tu me fais chier, maman. Allez, viens, on y va, là. Mia, dépêche-toi. Attends. Mia, vite ! Lila, reviens ! Lila ! Tu la reverras plus jamais. Oh, mais... Et ça, c'était en octobre dernier. Octobre 2020. Comment avez-vous récupéré la garde de la petite ? J'ai pas eu à la récupérer. 20 minutes plus tard... Qu'est-ce que tu fais là ? Elle est où, maman ? Elle est partie. Oh, Non, c'est pas grave. T'inquiète pas, ma chérie. Elle va revenir. On va la revoir bientôt. Viens. Allez. Viens, ma puce. Elle reviendra, je te promets. Je suis désolé de remuer tout ça, mais chaque détail a son importance. Vous savez si d'autres personnes étaient avec elle à ce moment-là? Son petit ami? Non, non, non, je crois pas. Elle était seule dans ses délires. Vous disiez qu'elle avait de mauvaises fréquentations. De qui vous voulez parler? Je sais pas. C'était sur Internet, alors. Dans les sites que Lila fréquente, il y a des groupes de gilets jaunes et des sites pour faire l'école à la maison. Faire l'école chez soi est parfaitement légal si on obtient une autorisation administrative. Même si certains se font du fric sur le dos des naïfs avec leur méthode vaseuse, ça ne fait pas de déravisseurs d'enfants. Je suis Rémi, vous êtes sur le site que j'ai créé avec ma femme Cécile afin d'aider les parents qui réfléchissent à l'école à la maison ou à l'instruction en famille. Vous pensez peut-être que vous êtes à mille lieues de faire l'école à la maison. Ou alors c'est votre conjoint qui le pense. C'est aussi ce que nous pensions. Nous nous disions que l'école à la maison n'était pas faite pour nous. Au tout début, dans notre esprit, c'était un peu connoté marginal. On ne trouvait pas ça rassurant. Qu'allait-il se passer? Est-ce qu'on n'allait pas se couper définitivement de la société? Est-ce que nos enfants pourraient passer leurs examens, le bac? Et puis, quand on a su que des tas de gens sérieux avaient fait l'école à la maison, des écrivains, des acteurs, et puis des gens comme les autres, des familles comme la nôtre, ça nous a rassurés. Beaucoup de mamans croient que parce qu'elles n'ont pas le niveau scolaire, elles ne peuvent pas enseigner, alors qu'elles peuvent très bien avoir un esprit brillant. J'en vois des tas qui ont de l'esprit sans avoir fait d'études et qui ne savent pas ce qu'elles peuvent donner à leur enfant. Mairie des Poulières, cellule de recherche, mardi 13 avril 2021, 15h30. Bon, on en est où? Les barrages n'ont rien donné. Tous les départements limitrophes et les douaniers sont mobilisés. On est loin de la frontière? Environ 1h30 de la frontière allemande et 2h de la frontière suisse. Espérant qu'ils ne soient pas déjà passés à l'étranger. Vous avez des pistes pour l'identité du commando? Pour l'instant, rien, et c'est trop tôt pour faire parler les prélèvements. Mais on attend les résultats de la perquisition chez la mère de Mia. Apparemment, on a retrouvé son téléphone chez elle. Elle ne serait pas partie sans téléphone. Elle aurait pu être enlevée, elle aussi? C'est possible, mais il n'y a pas de trace d'effraction, selon les premières informations des collègues policiers. Mais qu'est-ce qu'on sait sur la mère? On est en train de vérifier si elle a un casier et on va récupérer son dossier de l'aide à l'enfance. On a aussi contacté son père, le grand-père de Mia, et le père biologique, ainsi que son compagnon actuel. Tout le monde a répondu présent et les téléphones bornaient loin de l'endroit de l'enlèvement. Vous êtes en train de me dire qu'on n'a toujours rien? D'après ses profils réseaux sociaux, elle faisait aussi partie du mouvement des Gilets jaunes. Elle a rejoint des groupes pour faire l'école à la maison, des groupes anti-système, potentiellement dangereux. À vérifier. Je sais pas, en tout cas, j'ai pu lire pas mal de messages violents sur ses groupes Facebook. Tendance extrême droite et survivaliste. Ouais. Elle a pu nouer des contacts. Mais vous avez pu identifier des suspects? Non, il faut pousser les investigations. En général, ils communiquent en message privé, voire carrément encrypté. À ce stade, ce ne sont que des suppositions. Les gens racontent n'importe quoi sur Facebook. C'est un défouloir. Une opération comme ça ne se monte pas avec des contacts Facebook. Si tant est qu'elle connaisse les ravisseurs, il faut regarder du côté de ses amis. Et malheureusement, la piste pédophile reste toujours assez probable. Bon. Ça fait 4 heures et on n'a toujours aucune piste. Si on veut encore avoir une chance de la retrouver en vie, il faut passer à la vitesse supérieure. Lancer un appel national pour retrouver la fille et la mère. On n'a plus le choix. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Le procureur a déclenché une alerte enlèvement. Le portrait de Mia et de sa mère vont être diffusés sur tous les médias radio et les télés nationales. À cet instant, notre seule chance, c'est que des témoins se manifestent rapidement, au risque de faire paniquer les ravisseurs qui vont se sentir pourchassés, car ils verront aussi les messages. Et on ne sait pas à qui on a affaire. Ils peuvent faire une connerie. Maintenant, c'est qui tout double. Dans quelques heures, la situation peut basculer. Pour le meilleur, ou dans l'horreur la plus totale. Messieurs, j'imagine que certains d'entre vous ne sont pas familiers avec les conséquences d'une alerte enlèvement. Cela veut dire que, dans les minutes qui viennent, toute la France va être au courant de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Toute la France va voir le portrait de Mia et de sa mère disparue. Le signalement du van et la description des suspects. Le numéro vert est mis en place pour un premier filtrage, mais les appels sérieux vont être redirigés ici. Je veux que vous fassiez la levée de doute de chaque témoignage. Je veux que vous ne laissiez aucune piste de côté. N'hésitez pas à appeler vos familles maintenant parce que vous n'allez pas rentrer tout de suite. Parce qu'on va faire ce qu'il faut et que ça va prendre du temps. Les dés sont jetés. Je rentre à Épinal. Vous pouvez me joindre sur mon portable n'importe quand. Entendu. Bon courage. Préparez-vous, Tsunami. Ça sonne dans tous les sens. Des dizaines, des centaines de témoins pensent avoir vu Mia dans les Vosges, à Lille ou à Biarritz. À la fin, chaque coup de fil se termine avec une épingle colorée placée sur une grande carte. Vert pour une fausse piste, orange pour d'autres vérifications et rouge pour les appels sérieux. Après des heures de vérification, toutes les épingles passent au vert. Sauf une. Bonsoir, je vais retranscrire votre déposition. Racontez-moi ce que vous avez vu, s'il vous plaît. J'ai déjà dit à la personne d'avant. Répétez-moi depuis le début. Si vous êtes arrivé jusqu'à moi, c'est que votre histoire est intéressante. Bon, bah moi je suis routier, et puis ce matin je récupérais dans ma cabine, comme c'est que j'avais tiré toute la nuit. Tiré et... toute la nuit? Non, mais rouler, quoi. J'avais roulé la nuit. Déjà que d'habitude, c'est calme, j'aime bien. Mais en plein confinement, c'est très très calme. Bizarre, quoi. Il n'y a personne, mais personne. Donc, bon, moi, j'avais déjà roulé. J'avais embauché à 22h et quelques. J'avais à peine quitté les carrières de Dunkerque à cette heure-là, moi. Je commençais à 22h à peu près. Et qu'est-ce que vous avez vu à 22h? À 22h? À rien. Va falloir être clair, monsieur. Vous n'avez rien vu, alors? Mais si. Mais moi, je parle, c'était sur les coups de 10h30 ce matin. Comme je vous disais, pendant ma pause de 4h. Écoutez, monsieur, je comprends rien. Vous avez vu quelque chose ou pas? Mais oui, oui. Un peu que j'ai vu vos gars. Et la mère. Quand j'ai vu les annonces à la télé, j'ai reconnu que ce matin. Elle est passée devant moi quand je suis descendu de la cabine pour aller pisser. Ils sont restés un moment sur le parking. Vous avez vu la mère avec les ravisseurs? Calme. Oui. Enfin, avec des gens louches, quoi. Ils charriaient des trucs d'une voiture à l'autre. Mais il n'y avait pas la petite fille. Où ça? Sur un parking en forêt, près des Poulières, justement. À 10h30, vous dites? Ouais, en gros. C'est à peu près 10h30. Ils sont arrivés vers 11h chez la grand-mère, ça colle. Vous pouvez me donner l'endroit exact? Sur le parking de la Houdan, sur la route de Bruyères. Ouais, c'est exactement à 2 km de chez la grand-mère. Vous pouvez me décrire les personnes? Bah, comme dans l'alerte, quoi. Mais moi, ils étaient 5 gars, mais pas des jeunes. Pas comme dans l'alerte, en fait. Ils n'étaient pas 3, ils étaient 5, j'en suis sûr. Et il y avait la mère. Elle avait la même tête. Vous avez remarqué des particularités physiques chez ces personnes? Bah, il y avait un grand. Il y avait surtout un tout petit, on aurait dit un clochard. Puis il y en avait un avec une perruque mal faite, et un autre avec un tatouage dans le cou. Ils étaient bizarres, en fait. Le tatouage. Vous vous rappelez ce que représentait le tatouage? Oula, bah, je crois, faudrait que je vérifie. Je crois que c'était un serpent ou un dragon, un truc comme ça. Jackpot. Vous avez l'air d'avoir bonne mémoire quand même. Il va falloir que vous passiez nous voir à la gendarmerie. On va avoir besoin de vous pour l'identification de ces personnes. Ah bah d'accord, mais il faudra prévenir mon employeur. Bien sûr. Et vous voulez que je vous transfère la vidéo sur mon ordinateur? Je sais le faire, ça va gagner du temps. La vidéo? Bah, la vidéo que j'ai faite d'eux. Vous les avez filmées? Bah oui, j'ai tout filmé. Les plaques des voitures, les visages. Mais pourquoi vous avez fait ça? Monsieur l'agent, je vous le dis, ils sont restés 3 plombes. Ils charriaient des trucs. Ils avaient l'air trop bizarres. J'ai cru qu'ils faisaient du deal de drogue ou je sais pas quoi. Alors j'ai filmé pour la police. Et du coup, j'ai bien fait, hein? Effectivement, vous avez bien fait. On vous attend à la gendarmerie. Opération Lima. Une série de Vincent Hazard. Avec Robinson Stévenin, Monir Margoum, Karine Goron, Dominique Parent, Philippe Bautier, Françoise Gaziot, David Mallet, Bertrand Pazos, Jean-Christophe Quenon, Manika Auxir, Suzanne Alain, Lazare Pédron, Norbert Ferrer et les voix de Marina Moncade et Stéphanie Pasquet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Jason Taous, Titouan Labarre. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossir. Une lampe à la main cherche son chemin. L'avez-vous vu? Une lampe à la main cherche son chemin. L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? On nous ment toujours, on nous ment toujours, on nous ment. Dans des manteaux blonds, dans des manteaux, manteaux de velours. On nous ment, on nous ment, on nous ment. Alors elle passe son temps à lire des BD. 3h du matin, la télé allumée, et le voisin du dessus, le voisin du dessus. Une lampe à la main qui cherche sous son chemin. L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? On nous ment sur ci, on nous ment sur ça. Alors t'envers tout, tout envers ça, tout se renversa. Sur le nappe une tâche, la vie c'est comme ça. On nous ment toujours, on nous ment toujours. On nous ment tout, on nous ment tout. On nous ment tes gars, on nous ment tes cristaux. On nous ment tes souris, on nous ment sur tout ça. Cherche son chemin, l'avez-vous vu? L'avez-vous vu? Dans des rues de plaisir, des ourlets de dentelle et des petits rires. On nous ment. On nous ment sur cela, pas du tout ce qu'on lit, pas ce qu'on croit. On nous ment le matin, on nous ment le soir. On nous vend l'espoir. Dans l'immensité de la grande cité, j'avais choisi le mensonge. L'immensité de la grande cité. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Bonjour Thomas Hichon. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, cela dit tous les journalistes devraient être d'investigation, mais enfin, vous êtes catalogué comme cela, et c'est bien. Réalisateur de documentaires et prof à Sciences Po Paris et co-auteur du livre Anti-Fake News aux éditions First. Votre prochain documentaire sort chez Spicy, les nouveaux réseaux de la désinformation. Spicy, c'est une chaîne sur le web, c'est bien ça? Exactement, c'est un média vidéo sur Internet. Vous avez suivi cette enquête, pourquoi vous êtes intéressé à ce fait divers précis? Bien, ce fait divers, il a concentré tout un tas de choses auxquelles moi je m'intéresse beaucoup depuis une dizaine d'années. Il s'agit, comme vous l'avez rappelé, effectivement d'un enlèvement d'un enfant qui a été placé par l'un des parents qui n'accepte pas ce placement, cette décision de justice. Et jusque-là, j'ai envie de dire, rien de très spécial. Mais dès qu'on rentre un tout petit peu plus dans cette histoire, on découvre une myriade de personnages inconnus du grand public, méconnus de quelques spécialistes dont je fais partie, des figures du complotisme sur Internet qui, sans avoir gagné une immense reconnaissance, ont bien une petite notoriété et des communautés très actives qui les suivent. Et c'est exactement ce qui va se passer dans cette affaire. Et donc, ce sont ces noms-là qui vous ont mis la puce à l'oreille ? Alors, en fait, pour être totalement honnête avec vous, il se trouve que l'un des personnages principaux de cette affaire, celui qui organise le rapt de la petite fille, ce fameux Rémi Daillet, bien... Moi, j'en avais entendu parler plusieurs mois avant l'enlèvement de la petite Montemaggi. Il se trouve que, comme souvent, un citoyen m'envoie des choses qu'il voit passer sur Internet pour me demander mon avis. C'est quelque chose qui se passe de manière assez régulière. Là, on m'envoie une vidéo d'un bonhomme basé en Asie du Sud-Est qui fait un appel au coup d'État. Une vidéo qui va faire quelques dizaines de milliers de vues sur la plateforme YouTube au mois d'octobre-novembre 2021. Et ce personnage, bah pour être totalement honnête avec vous Fabrice, il me semble... absolument pas crédible. Il a une petite moustache, il parle sur fond blanc, il a une espèce de logorée verbale très particulière, et je me dis, franchement, ce mec ne vendra pas un caramel. Cette histoire ne prendra jamais. Et quelques mois plus tard, eh bien, c'est ce personnage qui lançait son appel au coup d'État depuis sa chambre de Malaisie via la plateforme YouTube qui se retrouve au cœur d'un des faits divers des plus marquants de l'année 2021 en France, et qui va mêler effectivement complotisme, survivalisme, extrême droite, adhésion à des choses qui sont du domaine de la croyance sectaire. Du fantasme aussi. Et du fantasme, bien entendu. Et là, on se retrouve, alors là, pour le coup, exactement dans l'univers auquel je suis confronté depuis une dizaine d'années. Alors, quelles sont les raisons qui ont poussé cette engeance à enlever cette petite fille, Mia ? Bien, il se trouve que on a quelque chose qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, on dit souvent que Internet est un média de l'archive. Hein, ça veut dire que ce qu'on pourrait dire et échanger dans un café, on compare ça au café du commerce, eh bien, ça ne reste pas. Là, les choses restent. Eh oui. Et donc, quand on découvre cette affaire, eh bien, moi, mon premier réflexe, c'est de me précipiter sur la page Facebook de la mère de cet enfant, celle qui est à l'origine du rapt. Et en regardant la page Facebook de cette femme, en remontant dans le temps, eh bien, on découvre petit à petit un basculement dans des croyances complotistes de plus en plus fantasmagoriques, de plus en plus graves, et on voit un basculement, grosso modo, de choses qui sont un peu du domaine de l'univers des gilets jaunes, du refus du système, du refus de l'État. Et là, on voit des choses beaucoup plus proches de l'extrême droite, qui font référence aux thèses du mouvement QAnon. Vous savez, ce mouvement américain qui pense qu'une secte de pédophiles satanistes dirige le monde en secret. Et en fait, cette femme va se retrouver quelque part happée dans cette mouvance complotiste. Madame Montemaggi, c'est une radicalisation algorithmique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que elle va quelque part, eh bien, commencer à rechercher des choses sur Internet, trouver un certain nombre de choses qui sont un tout petit peu complotistes. Mais en faisant cela, elle envoie un signe très fort aux plateformes numériques que les choses complotistes l'intéressent un petit peu. Qu'il y a une cliente. Exactement. Qu'est-ce que vont faire ces plateformes ? Est-ce qu'elles vont lui envoyer la vérité pour contrecarrer les fantasmes qu'elle a dans la tête ? Pas du tout. Au contraire, elles vont l'amener à se radicaliser de plus en plus. Et donc, elle va commencer sur des choses qui sont du domaine des violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes, et qui vont ensuite se transformer en choses qui sont beaucoup plus du domaine de l'antisystème. On va tomber sur des propos de personnalités antisémites, négationnistes, très marqués, profondément marqués. Et en fait, on voit, poste après poste, sur la page Facebook de cette femme, eh bien, des choses de plus en plus dingues se succéder, entrecoupées par des photos d'elle et de sa petite fille. Ce qui est quand même une forme de paradoxe qu'une mère qui souhaite à ce point protéger sa fille, nous dit-elle, la montre l'expose sur des réseaux où potentiellement ceux dont elle voudrait la protéger pourraient récupérer des images pour en faire leur propre beurre. Mais au début, qu'est-ce qui la pousse ? Elle va surfer comme tout un chacun, en fait. Et elle est perméable. En fait, vous savez, je crois que aujourd'hui, nous vivons tous connectés à un outil numérique. Et en étant connecté à cet outil numérique, eh bien, on cherche à s'y informer. Google est un outil merveilleux, hein, mais le problème de Google, c'est qu'on a beau lui poser la bonne question, il ne nous donne que la mauvaise réponse. Ah, oh, pas toujours. Ah, pas toujours. Oui. Mais quand vous lui demandez les vaccins sont-ils dangereux, que va vous dire Google ? Ben, bien entendu qu'ils sont dangereux. Le problème, c'est que Google, comme les autres moteurs de recherche, vous pousse plutôt à des réponses qui vont dans le sens de ce que vous croyez, plutôt que dans une forme de contradiction. C'est normal, c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain, mais mis à l'échelle d'une société tout entière, et de manière aussi mécanique et automatique que on peut le faire avec le bout du doigt dans sa poche, eh bien tout ça crée des dynamiques très particulières chez les êtres humains. Dans le cas de cette femme, il s'agit visiblement d'une femme qui n'est pas heureuse dans sa vie. Elle a des problèmes personnels et elle va d'ailleurs avoir tellement de problèmes personnels que la garde de son enfant va lui être retirée par une décision de justice. Elle ne va pas accepter cette décision de justice et elle va donc se rebeller contre cette décision de justice. Le problème, c'est qu'elle aurait peut-être, à ce moment-là, pu se poser une autre question. Est-ce que moi, je n'ai pas une responsabilité là-dedans ? Ben non, puisque les algorithmes lui disent en permanence que... Parce qu'elle va interroger les algorithmes sur, justement, les services de la protection de l'enfance. Eh bien, si vous demandez à Google quels sont les services de la protection de l'enfance et qu'est-ce qu'ils y font, eh bien, vous allez tomber sur des choses qui risquent de vous surprendre. Alors, est-ce que c'est une opération, cet enlèvement, mené par ce qu'on pourrait appeler des pros, comme on peut appeler certains gangsters des pros, même s'ils n'ont pas des gangsters, non ? Bah, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce personnage, Rémi Daillet, qui est un peu le personnage central de cette affaire, hein, puisqu'il est à la fois en lien avec les ravisseurs, avec la mère de l'enfant en distance par des réseaux numériques, et qu'il coordonne un petit peu toutes ces équipes-là. En tout cas, c'est la piste principale et prioritaire de la justice. Il est innocent jusqu'à avoir été déclaré coupable, il faut quand même le rappeler. Mmh. Mais la présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on a un personnage, Rémi Daillet, qui avait quand même décidé d'organiser un coup d'État. Il avait créé une plateforme sur laquelle les gens pouvaient s'inscrire. Vous pouviez aller dire, eh bien voilà, moi je suis spécialiste en télécommunications, si vous prenez et créez un gouvernement demain, je peux vous aider. Moi je sais faire des explosifs, eh bien je peux vous aider. Moi j'ai travaillé dans la police, dans la gendarmerie, voilà, je peux vous aider. Moi je suis infirmier, et donc chacun pouvait aller remplir un certain nombre d'informations. Tout ça a été visiblement utilisé par des dizaines, centaines de personnes qui ont donné leurs informations à ce Rémi Daillet, qui a donc pu coordonner et organiser tout cela. Donc, est-ce que ces gens-là sont des pros du rapt d'enfants ? Je n'en suis pas certain, mais ce sont visiblement des personnes qui ont été, à un moment ou à un autre, dans des services de sécurité, dans des services de police, dans des services de gendarmerie. En tout cas, il y a des gens formation-là, hein, autour de lui, et ceux qui vont effectivement faire ce rapt sont des gens qui ont, à un moment ou à un autre, travaillé pour les services de l'État. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Thomas Huchon. Merci à vous. Au revoir. Demain mardi, dans Affaires Sensibles, la fiction, nous écouterons de nouveaux épisodes de la série Opération Lima, comme prévu. Et donc, l'épisode 2, les survivalistes, et l'épisode 3, face aux éveillés.